Notifica Booster. Fate ogni test. Notifica Booster. Fate ogni test. Notifica Booster. Je suis parti loin de ma maison, très loin de la décontrée. Ici la mort est plus loin encore. J'ai cherché, et n'ai rien trouvé. J'ignorais que le. Non, Sardou, je peux pas le blairer. J'aime pas Sardou. J'aime pas Michel Sardou. S'amusent au parterre et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Celle-là, je la connais pas. C'est triste. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Arrête! Thank you. pas encore ça. Sainte lumière dans les cieux, l'astre lui, le mystère. Chers amis, nous n'hésitons pas à vous appeler ainsi sans vous connaître. Vous avez voulu participer à la belle aventure de Spiritus Dei, oui. Et vous êtes devenus nos amis. Ah oui, nous, depuis le premier passage des prêtres à la télévision et après avoir écouté le CD, vous avez été très nombreux à nous adresser des messages d'amitié par tous les moyens à notre disposition aujourd'hui. Mail, SMS, Facebook, téléphone et bien sûr lettres. Ces centaines de lettres qui nous sont parvenues depuis la France et de l'étranger. C'est ainsi que des liens d'amitié se sont créés. Dans ces messages, vous nous remerciez pour l'instant de bonheur que vous a apporté l'écoute du CD. Les phrases qui reviennent souvent sont « Le CD m'apporte la paix, la sérénité, me redonne du courage. L'écouter me fait du bien. » Il m'a donné le désir de retourner à la messe. Oh. c'est le batteur est parti. Le batteur est parti en couille. C'est ça les accords, non ?

Everything.